Chapitre 17. Conseil pour la composition des tragédies. Se mettre par l'imagination à la place des spectateurs et des personnages de la tragédie. Lorsque le poète compose sa fable ou qu'il écrit, il doit se mettre à la place du spectateur. Voyant alors son ouvrage dans le plus grand jour, et comme s'il était témoin de ce qui se fait, il sentira mieux ce qui convient ou ce qui ne convient pas. Ce fut faute de cette précaution que Carcinus échoua. Amphiaraüs sortait du temple, et le spectateur, qui ne l'avait point vu sortir, l'ignorait. On fut blessé de cette inattention du poète, et sa pièce tomba. Il faut encore que le poète, autant qu'il est possible, soit acteur en composant. L'expression de celui qui est dans l'action est toujours plus persuasive. On s'agite avec celui qui est agité, on souffre, on s'irrite avec celui qui souffre, qui est irrité. C'est pour cela que la poésie demande une imagination vive ou une âme susceptible d'enthousiasme. L'une peint fortement, l'autre sent de même. Quel que soit le sujet qu'on traite, il faut commencer par le crayonner en général. Par exemple, s'il s'agit d'Iphigénie, vous direz « Une jeune princesse était au moment d'être sacrifiée. Tout à coup, elle est enlevée sous le couteau des prêtres et se trouve transportée dans une contrée lointaine où elle devient elle-même prêtresse. Dans ce pays, c'était l'usage de sacrifier tous les étrangers qui y arrivaient par mer. Son frère y arrive, et cela parce qu'un dieu le lui avait ordonné pour exécuter une certaine entreprise qui était hors du général. Pourquoi cette entreprise? Cela est hors de la donnée du sujet. Il y vient, il est arrêté, et au moment où il allait être égorgé par sa sœur, il est reconnu par elle. Soit comme chez Euripide, ou plutôt comme chez Polydius, parce qu'il s'écrie « Ma sœur a été sacrifiée, je vais donc l'être aussi. » Et cette exclamation le sauve. Après cela, on remet les noms, on fait les détails qui doivent tous être propres au sujet, comme dans l'Oreste, sa fureur maniaque qui le fait prendre et son expiation qui le sauve. Dans les drames, les détails sont plus courts et plus longs dans les épopées. L'Odyssée, par exemple, prise en général, se réduit à peu de choses. Un homme est absent de chez lui pendant plusieurs années. Il est persécuté par Neptune de manière qu'il perd tous ses compagnons et reste seul. D'un autre côté, sa maison est au pillage. Les amants de sa femme dissipent son bien et veulent faire périr son fils. Cet homme, après des travaux infinis, revient chez lui, se fait reconnaître à quelques amis fidèles, attaque ses ennemis, les fait périr et se rétablit dans son premier état. Voilà le fond de cette action. Tout le reste et détails ou épisodes.